Merci de votre fidélité à Réunion Première. Il est midi. Le journal Jean-Paul Mélade, bonjour. Bonjour, voici les titres. Deux professeurs agressés au lycée Jean Englot au port par un jeune d'à peine 16 ans. Conséquence, un nez cassé et un bras contusionné pour le professeur de génie civil. Son collègue a essuyé quelques coups au passage. Plainte a été déposée. René Joy est devant les assises pour avoir tué un homme de 66 ans à Montverléau en 2014. Il est accusé de meurtre doublé d'atteinte à l'intégrité du cadavre. Les habitants de Dodane sur la commune de La Possession ne veulent pas de la poste communale qui serait actée par la mairie. Ils regrettent l'absence de consultation. Plein de réjouissances, enfin, en cette fin de semaine, festival de la fraise, nuit du cours et du Muay Thai pour les sportifs. Un enseignant agressé hier au lycée professionnel Jean Englot au port. Un second bousculé. Au départ, il s'agit d'un simple rappel des règles de sécurité. Un professeur de génie civil en plein travaux pratiques avec un groupe d'adultes en formation continue fait une remarque à un élève de première année de CAP. Le jeune de tout juste 15 ans ne semble d'abord pas s'en soucier, puis devient violent dans ses propos au bout du troisième rappel. S'en suivent donc des insultes, des menaces de mort même. Le professeur garde son calme, annonce la sanction. Un rapport sera fait sur son comportement. Une décision qui renforcera encore un peu plus la colère de l'élève qui agressera le professeur. Je vous propose son témoignage. Je suis resté calme, c'est ce qu'on nous demande, de rester calme dans ce genre de situation. Et là, donc, je prends un coup de tête, donc il m'explose le nez. Donc je suis en sang à ce moment-là. Je continue à rester calme et à lui dire de se calmer maintenant qu'il arrête. Et bien, il a continué. Il a continué à m'assigner des coups au visage, des coups de poing, des coups de pied. À ce moment-là, donc, les autres adultes qui étaient là, ils étaient choqués de ce qui se passait, donc ils voulaient intervenir. Et moi, je dis encore, restez calme, puisqu'on nous demande de rester calme. Donc il y a mon collègue qui arrive à ce moment. Donc il est ceinture l'élève, il essaye de maîtriser calmement. Mais impossible à le tenir, ça ne lui suffit pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me crache au visage. Et là, c'est franchement ça, l'image. Je suis resté là, calme, mais choqué. Choqué et j'arrivais pas encore à réaliser ce qui se passait, quoi. Idriss Nalem, professeur de génie civil au lycée Jean Englot au port, au micro de Lise Ourdel. On écoutera son témoignage plus en longueur dans le Zoom de la rédaction après le journal de 18h ce soir. Lui et son collègue ont porté plainte suite à cette agression. Constatation a été faite par un médecin. Idriss Nalem souffre d'une fracture du nez et de contusions diverses. 8 jours d'ITT lui ont été délivrés. Les enseignants du lycée Jean Englot doivent faire un débrayage à 13h en soutien à leurs collègues. Le 11 novembre 2014, le corps d'un homme était découvert dans sa case à Montverléo. La victime a été rouée de coups. Premier suspect, le fils de sa compagne, René Joie, 38 ans. Il devra répondre aujourd'hui de meurtre, doublé d'une atteinte à l'intégrité d'un cadavre. L'accusé qui reconnaît tous les faits encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son état a nécessité 2 expertises psychiatriques. Nadine Bachelot. René Joie a-t-il toute sa tête? Les faits sordides qui sont évoqués depuis ce matin dans cette cour d'assises pourraient le laisser supposer. L'alcool ne peut pas tout expliquer. Le grand gaillard dans le box des accusés ne montre aucune expression, même s'il dit regretter son geste. Des faits sordides, je vous le disais, l'accusé de 38 ans s'est livré à un véritable acharnement sur le Gramoun. Après les multiples coups, il écrase une cigarette incandescente. Et il va utiliser l'œil de la victime comme un cendrier. C'est sa façon de se venger. Tous ces actes sont l'expression d'une colère, d'une rage qui bouillait en lui, explique-t-il. Expédite de Robolion urinait partout dans la maison. Il badigeonnait les murs et les vêtements déjà lavés de ses excréments. Un comportement que René Joie ne supportait plus. Le 11 novembre 2014, c'est un trop-plein qui a explosé, dit-il. Il a perdu la tête et n'a pas réussi à maîtriser ses nerfs. Je me suis défoulée sur le vieil homme et ça m'a soulagée. Je me suis vengée des rapports sexuels qu'il imposait à ma mère. Une vengeance jusqu'à souiller le cadavre de l'homme qui les hébergeait. C'est lui qui le dit. Alors que le docteur Jardem, médecin légiste, ne relève aucune pénétration au niveau anal. Pendant une demi-heure, il explique comment il a développé cette haine viscérale à l'encontre du vieil homme. Le docteur Coutenceau, expert psychiatre, parle de schizophrénie. Nadine Bachelot. Les habitants de Dodane sont en colère et ils le font savoir. Ils ont manifesté ce jeudi des bruits courent que la poste pourrait passer dans le giron communal en fin d'année, comme il y a plus d'une décennie. Une décision prise par la poste et la mairie sans consultation visiblement. Reportage sur place, Hubert Debeux. Après avoir combattu pour avoir un médecin, puis pour agrandir le cimetière qui affichait complet, les habitants de Dodane repartent au combat. Cette fois, c'est à cause de la Poste. Une convention aurait été signée entre la maire Vanessa Miranville et le directeur de la Poste pour la passer en poste communale. Mais les habitants n'ont pas été consultés. Mirella Waro, du comité des habitants de Dodane. On nous dit que la poste communale sera ouverte tous les jours. On veut bien, mais c'est tout à fait normal. On va la laisser ouverte, certes. Est-ce que c'est une manière de faire, justement, pour nous apaiser, quoi, hein ? Actuellement, et depuis octobre 2015, la poste n'est ouverte de 8h à 12h que les mardis, mercredis et vendredis. Les habitants veulent garder leur banque postale et l'employé qui est là depuis des années. On veut que notre poste reste comme il est et chacun reste à son poste. A besoin surtout, parce que vraiment, il y a des personnes handicapées. Descendre en bas, remonter, mais vaut mieux, il reste là aussi pour la poste. Une employée communale devrait être formée pour faire fonctionner la poste communale. Un système connu à Dodane, puisqu'il y a quelques années, elle l'était déjà. Ça n'empêche pas les habitants d'être inquiets. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est par exemple quelqu'un qui voudra venir pour y retirer 500 euros, par exemple. Apparemment, il ne pourra pas retirer plus de 300 euros. Ils ne vont pas s'amuser tous les jours à venir à la poste pour retirer un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Une réunion de quartier a eu lieu ce jeudi devant la poste. Un nouveau courrier va être envoyé au directeur de la poste. Hubert Debeu. L'épisode aussi de fièvre after se poursuit à Maurice et à Rodrigue malgré la campagne de vaccination et les abattages. La préfecture de La Réunion informe que toutes les mesures de prévention dans le cadre de la vigilance renforcée mise en place par La Réunion sont prolongées jusqu'à fin octobre 2016. Comme chaque année à pareille période, le domaine Vidotte à Montvert-les-Hauts, dans la commune de Saint-Pierre, célèbre la fraise. En plus des animations et du plateau artistique, le public est invité à venir à la rencontre des producteurs. Ils proposeront les petits fruits rouges à la vente, présenteront les produits transformés et échangeront sur leur métier et la culture de la fraise. Pierre Komorasamy. Malgré une baisse de la surface consacrée à la culture de fraises de 25 hectares à 15, la production quand même se maintient à hauteur de 800 tonnes environ. Une situation, selon le technicien de la Chambre d'agriculture, que les producteurs doivent à l'évolution des techniques de culture. Aujourd'hui, en effet, à côté du plein champ, certains planteurs de fraises se sont mis au hors-sol. Une technique qui permet de densifier les plantations et augmenter ainsi le rendement à l'hectare. Il faut aussi savoir qu'à La Réunion, trois variétés sont privilégiées. Il s'agit de la Camarosa, la Rubigen et la Frontina, des variétés qui s'adaptent relativement bien à nos microclimats. Et puis, on arrive également à étaler la production sur l'année en effectuant deux plantations en deux périodes différentes. Une première vague de plantation a lieu en décembre pour un pic de production en mai-juin et en mars pour une pleine production en octobre-novembre. La totalité de la production de fraises est écoulée localement, une infime partie est transformée. Les précisions de Pierre Komorasamy. La fête de la fraise est au domaine Vidotte à Montvert-les-Hauts à partir de ce soir jusqu'à dimanche. Midi 7 sur Réunion Première, la suite de votre journal Jean-Paul Mélade. Encore la fête avec les 12e week-end nature qui vous propose plus de 200 visites guidées sur 38 sites différents du 1er au 30 octobre, principalement les week-ends et pendant les vacances scolaires. Laissez-vous surprendre par la richesse et les trésors de biodiversité des espaces sensibles et naturels. Découvrez les patrimoines donc naturels, paysagers, culturel et historique du département. Parmi les visites possibles, le sentier sous-marin de l'Ermitage. Guillaume Nedelec, agent de la réserve naturelle marine. Nous, on propose des visites guidées du lagon en palme masque tuba. Et là, on va faire découvrir la biodiversité marine, la faune et la flore. Une explication de la réserve, un outil important pour la protection des récifs coralliens de l'île de La Réunion. C'est un parcours dans le lagon avec différentes stations d'arrêt où là, on va s'arrêter pour que le guide explique un petit peu le milieu, différents coraux, différents poissons, causes de dégradation. C'est une visite qui dure à peu près une heure. En fait, c'est une sensibilisation à la protection des récifs coralliens. Il y a encore beaucoup de méconnaissances sur les coraux, qui sont des animaux. Et donc nous sommes là pour informer les gens, leur faire changer un petit peu leurs habitudes, leurs attitudes dans ce milieu qui est très fragile et très riche. Guillaume Nedelec, agent de la réserve naturelle marine, au micro de Pierre Komorasamy. Pour tout renseignement et réservation, un numéro de téléphone à votre disposition, le 02 62 97 59 59. Et à présent, cette idée de sortie originale en cette veille de week-end. Ce soir, l'association La Lanterne Magique organise la nouvelle édition de la Nuit du Cours, entièrement consacrée au court-métrage. Deux thématiques ressortent de la programmation cette année, la famille et l'humour noir. Une manifestation à ne manquer sous aucun prétexte, selon Cécile Levessière, présidente de l'association La Lanterne Magique. Ça va être un feu d'artifice extraordinaire. C'est quelque chose qui est à la fois réjouissant. Donc, 3 heures de court-métrage, on est immergé dans un domaine qui est très très riche, avec des formes très variées, avec des films de tous les pays, autour de ces deux thématiques, mais il y a quand même autre chose, avec de l'humour, de la tendresse, des trucs un peu plus trash. Donc c'est vraiment un voyage en cinéma. Et ça, pour tous les curieux, les amoureux du cinéma, c'est assez extraordinaire. Et puis surtout, c'est rare à La Réunion d'avoir ce type de programmation. Cécile Levessière, présidente de l'association La Lanterne Magique, au micro de Mélodie Nourry. La nuit du cours, ça se passe au multiplex de Cambé. Et les enfants, à partir de 6 ans, ne sont pas en reste. Programmation spéciale pour eux demain samedi à partir de 15h30. L'entrée est à 9 euros. Des idées de sortie encore pour ce soir. Une autre idée de sortie pour ce soir à 17h à Saint-André, lieu d'être. Une manifestation chorégraphique en plein air à l'immeuble Station, interprétée par les résidents de l'immeuble et la compagnie Acte. C'est juste à côté de l'antenne de la Sécurité sociale de la ville de Saint-André. Si vous ratez la séance de ce jour, rattrapage demain à 17h, toujours au même endroit. On passe au sport avec d'abord du handball. On joue ce soir la 6e journée du championnat masculin. 6 matchs au programme. Le leader Château-Morange se déplace à Joinville. La Cressonnière affronte le Port. Le Tampon affronte la Saline. À suivre également Possession JSB, Saint-Pierre JS Panonaise et Bois de Nèfle Saint-Gilles-Léo. C'est le rendez-vous sport de ce vendredi soir au Stade de l'Est, le gala de boxe Muay Thai, une deuxième édition organisée par le club de Bois de Nèfle de Saint-Denis, un choc de boxe pied-point. Sur le ring, 12 combats et parmi les têtes d'affiche locales, Giovanni Boyer, Florent Kawachi, Yann Telef, Vincent Naxos, ils seront opposés à des combattants de l'Hexagone et de Maurice. Jean-Luc Robert, entraîneur et organisateur de ce choc de l'océan Indien. Moi et mon équipe nous propose un plateau simple. Nous avons pris les meilleurs combattants sur l'île actuellement. Enfin, parmi les meilleurs. Donc, on donne les meilleurs, mais bon, pas de souci, hein, c'est parmi les meilleurs. Et nous avons voulu faire une rencontre Métropole, Réunion, Maurice. Donc, voilà, on a mis des très bons combats. 6 combats Muay Thai, 6 combats K1. Pour qu'on tente un petit peu tous les goûts. Et dans l'ensemble, les 12 combats prévus au programme, ce sera de bonne qualité. Les deux bonnes qualités. Interview réalisée par Jean-Claude Toyer. En football, les qualifications pour le Mondial 2018 en Russie continuent. Hier, Didier Deschamps a donné la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres contre la Bulgarie et les Pays-Bas. Et Dimitri Payet fait partie des 23 sélectionnés. 12h12, fin de cette édition. Les infos nationales et internationales avec la rédaction de France Info. La bataille de Mossoul est sur le point de commencer. La France va à nouveau frapper le groupe État islamique en Irak. L'objectif de la coalition internationale, c'est de reprendre ce bastion de Daesh. Des avions Rafale français ont décollé tôt ce matin du porte-avions Charles de Gaulle qui est stationné dans la région. Les obsèques de Shimon Peres, cérémonie en ce moment à Jérusalem en Israël, en présence de centaines de chefs d'État et de personnalités. François Hollande, Barack Obama, Bill Clinton, le prince Charles, le roi d'Espagne ou encore Mahmoud Abbas, le président palestinien qui est le seul dirigeant du monde arabe à être présent. Le ton monte encore d'un cran entre les États-Unis et la Russie sur la guerre en Syrie. Washington menace d'arrêter tout dialogue avec Moscou si les bombardements continuent sur Alep. D'après l'ONU, c'est la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue en Syrie. Encore un sondage qui accable François Hollande. 9 Français sur 10 pensent que le chef de l'État ne va pas tenir sa promesse d'inverser la courbe du chômage. Par conséquent, la plupart estiment qu'il devrait d'ores et déjà renoncer à être candidat à sa réélection. C'est un sondage Odoxa pour France Info. François Hollande qui veut toucher aux privilèges accordés aux anciens chefs de l'État. Garde du corps, appartement de fonction, collaborateur, voiture avec chauffeur. François Hollande va réduire ses avantages. C'est une information que vous révèle ce matin France Info. France Info. Midi 14 sur Réunion Première, un point sur votre météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Cet après-midi, la couverture nuageuse est épaisse dans les Hauts, donnant même quelques averses. Et ces averses pourront déborder temporairement vers les zones littorales. Les températures maximales vont de 25 à 28 degrés sur le littoral et 15 degrés au volcan. De nouveau, le vent d'est-nord-est s'impose en journée, se renforce, atteignant les 50 km/h en rafale, de Saint-Denis à la pointe des Galets, mais aussi dans le sud sauvage. Et des pointes autour des 40 km/h sont aussi à prévoir. à la Plaine des Cafres, au Maïdo ou encore au Pas de Bellecombe. Le vent entre également temporairement en baie de la Possession. Et puis la mer est agitée à localement forte au vent avec une houle d'alizé voisine des 2 mètres. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Réunion Première. Bon appétit si vous êtes à table. Ce vendredi, le magazine de la rédaction est consacré au Fazoï. Les forces armées dans la zone sud-océan Indien regroupent 3 corps d'armée à La Réunion. Le 2e RPIMA de Pierrefonds, la base navale du port des Galets et le détachement aérien 181 près de Gilo. Près de 2000 militaires qui œuvrent à la protection des intérêts français dans la zone. Leurs missions vont de la classique patrouille à l'aéroport, à l'évacuation de ressortissants dans un pays étranger, en passant par la lutte contre l'immigration illégale. Pour assurer toutes ces missions, il faut des moyens et un certain savoir-faire. C'est ce que les autorités civiles sont allées apprécier vendredi dernier à l'étang Salé. Stéphane et Nilorac nous emmènent dans les coulisses de l'exercice interarmée Bizerte 2016. Il est 7h30 ce matin-là. À 2500 mètres d'altitude, un avion militaire, un CASA, survole une clairière entre la RN1 et la forêt d'étang Salé. On peut transporter 28 personnels. Oui, 28 personnels en CASA qui vont être largués. Contrôle radio. Soudain, une dizaine de commandos se jettent dans le vide. On est dans un avion qui vole à 200-230 km/h. Sortir d'une porte, c'est pas donné à tout le monde. Faut être fou, quoi, mais bon, c'est une très belle sensation. C'est que du bonheur. Bis repetita quelques minutes plus tard, mais cette fois-ci, l'aéronef plane seulement à 300 mètres du sol. Il y a une grosse différence aussi quand on saute à 2000 ou 300 mètres. C'est complètement différent, c'est pas les mêmes parachutes. Donc à 300 mètres, c'est ouverture automatique. Et à 2000, 4000 mètres, c'est ouverture retardée. Donc comme les GCP, on a vu, les groupes commandos parachutistes, la sensation est pareille à la sortie, mais l'atterrissage, comme vous avez pu remarquer, je pense, en retardé, voilà, c'est, on impacte bien. Mais on est entraîné pour justement pour avoir une position d'atterrissage. Après, voilà, les accidents, ça arrive. Moi-même, j'ai eu un grave accident. Sur un saut, j'ai eu le fémur et l'épaule cassé voilà, une chute de 20 mètres, un an de réduc, et puis après c'est reparti quoi. Je suis encore là et fier d'être parrain. Moi au jour d'aujourd'hui j'ai 20 ans de service, j'arrive à ma 21e année, je suis toujours parrain, hein. Je suis toujours debout, même à 40 ans. Il n'y a pas d'âge limite, c'est le corps qui fixe les limites. Il y a un moment où un autre, le corps a besoin de se reposer, parce qu'il accumule, il accumule, il accumule, et tant qu'on a la possibilité et que, comme on dit chez nous, on a la niaque, à partir de ce moment-là, on reste toujours dans l'influence du parachutiste. Vous avez les parachutistes qui arrivent directement sur la zone où l'ennemi se trouve. Le caporal Stéphane et le caporal-chef Joël sont actuellement engagés au sein du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de La Réunion, le 2e RPIMA basé à Pierrefonds et qui a pour chef le lieutenant-colonel Fabrice Murat. Là, ils vont pouvoir s'infiltrer, ils récupèrent tout leur armement tranquillement. Le 2e RPIMA est composé de 6 compagnies, dont une compagnie de combat professionnelle, à environ 140 personnels, qui est la compagnie parachutiste du régiment, celle qui est capable d'intervenir en permanence 24 heures sur 24 à La Réunion, à Mayotte ou sur n'importe quel autre pays de la zone de responsabilité pour par exemple conduire une opération d'évacuation de ressortissants. On a ensuite une compagnie de logistique qui permet de soutenir cet élément, une compagnie de maintenance qui permet de soutenir l'ensemble des matériels terrestres présents sur les Fazoï. Ensuite deux compagnies tournantes, qu'on appelle tournantes, qui sont présentes sur La Réunion pendant 4 mois et qui se renouvellent donc tous les 4 mois venant des différents régiments de métropole. Et enfin une deuxième compagnie qui est la compagnie de réserve, qui est une très grosse compagnie, une compagnie à plus d'une centaine de personnes et qui est donc armée par des réservistes, c'est-à-dire par des gens comme vous qui décident de s'engager dans la réserve et qui réalisent essentiellement des missions de protection sur le territoire national. Une fois qu'ils estiment que la zone est sécurisée, là ils vont faire larguer le gros des parachutistes par l'avion. Voilà comment ça se passerait en réel. Quand on dit qu'on maîtrise la troisième dimension, c'est parce qu'on peut se mettre en place par les airs en utilisant donc les CASA de l'escadron de transport 50 de Gilo, mais aussi des avions qui pourraient venir de métropole renforcer notre dispositif. Et donc le régiment est spécialisé dans ce domaine-là, c'est-à-dire comment embarquer dans un avion, comment en débarquer, soit en sautant, soit en se posant, qui sont des savoir-faire quand même assez techniques. Et en Outre-mer, il n'y a qu'un seul régiment parachutiste, c'est le régiment de La Réunion, qui est donc en mesure d'intervenir n'importe où dans la zone d'instabilité, par les airs, après avoir été proche de La Réunion. Parce que vous le comprendrez bien, La Réunion c'est une île, et donc pour intervenir n'importe où dans la zone, il faut obligatoirement partir soit en avion si on veut aller vite, sinon en bateau, mais ce serait un peu plus long. Là, le groupe de commando s'est divisé en deux équipes. Le 2e RPIMA participe en ce vendredi 23 septembre 2016 à l'exercice interarmée Bizert, une démonstration de plus d'une heure et demie des capacités des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, les Fazoï. Infiltration, confrontation, évacuation, environ 150 militaires en action. D'énormes moyens déployés par les Fazoï afin de démontrer leur savoir-faire. Les trois composantes de l'armée sont mobilisées. L'armée de terre est déjà évoquée avec le 2e RPIMA. La marine représentée par la frégate de surveillance Nivoz et ses hélicoptères Panther. Et enfin, l'armée de l'air, le lieutenant-colonel François Monard est le commandant du détachement Air 181, le DA 181, dont le rôle est notamment d'assurer la liberté de manœuvre des forces armées. Le détachement Air est ouvert évidemment aux autres forces des Fazoï, des forces de soutien, et on accueille la section aérienne de gendarmerie et puis le PGHM. Donc en tout, on monte jusqu'à 190 personnes. Mais les 80 personnes, les 83 exactement, hein, sont celles qui arment les deux avions, hein, les services techniques associés, et puis les équipes de chargement et de déchargement des moyens. Vous avez deux avions alors, enfin, deux aéronefs, des CASA 235-300, c'est la dernière génération achetée par l'armée de l'air. Donc c'est des petits avions de transport logistique qui sont parfaits pour les Outre-mer, hein, avec un rayon d'action qui leur permet de couvrir la zone. Et une capacité de chargement qui est adaptée aux missions. Plus adaptée que le Transal qui est parti ? Alors, évidemment, elles ne sont pas plus adaptées que le Transal. Le Transal offrait des capacités qui étaient supérieures. Mais les autres moyens qui sont basés en métropole nous permettent de faire une jonction différente. Hein. On est toujours à agir en première main, hein, en entrée. Et après, évidemment, les moyens venant de la métropole étant plus rapides, maintenant, arrivent en soutien beaucoup plus rapidement. On peut accueillir tout type d'aéronefs, enfin tout de même ceux de l'armée de l'air. Et après, si jamais nos capacités sont insuffisantes, évidemment, on a de très bonnes relations avec l'aéroport civil, ce qui nous permet de pouvoir aussi déplacer les avions et les faire garer de façon temporaire sur l'aéroport Roland-Garros, qui est juste à côté. Assurer une présence militaire sur l'ensemble du territoire français dans la zone sud de l'océan Indien, c'est la mission première des Fazoy et de son commandant supérieur, le général Franck Régnier. Un territoire vaste de plus de 2 650 000 km². Nous avons effectivement, au-delà de nos deux départements, toutes les îles éparses qui sont, elles, sous la responsabilité de la préfecture d'Étaffe. Mais nous avons sur Europa, Joanne Nova et Glorieuse, une présence militaire permanente. Un détachement de 14 militaires accompagné d'un gendarme qui représente l'autorité préfectorale. Et surtout, toutes ces îles et nos deux départements représentent une zone économique exclusive énorme que nous avons aussi pour mission de surveiller contre la pêche illégale, contre les trafics. Et au quotidien, j'allais dire, nous avons nos bâtiments de la marine qui œuvrent à cette mission. La zone de responsabilité de la France étant même au-delà des îles éparses et des TAF, les terres australes et antarctiques françaises, le capitaine de vaisseau Henri Levé est le commandant de la zone maritime supervisée par les Fazoy. La zone de responsabilité, c'est l'espace maritime, bien sûr, hein, qui englobe La Réunion, Mayotte, toutes les îles françaises, mais aussi les états de la COI, hein, de la Commission de l'Océan Indien, Madagascar. 22 millions de personnes quand même, hein, 20 000 ressortissants français à Madagascar, et les pays de la côte est-africaine. Loin de nos terres, les intérêts géopolitiques et économiques sont également importants. Nous le verrons plus tard, mais revenons d'abord dans le département où nous retrouvons le lieutenant-colonel Fabrice Murat, chef de corps du 2e RPIMA. Sa priorité, c'est d'abord la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais. On peut mener deux types d'actions principales, sur ce qu'on appelle des actions sur le théâtre national, donc à La Réunion ou à Mayotte. Le plus souvent donc sur demande de concours ou réquisition du préfet, en appui des forces de sécurité intérieure, donc la police ou la gendarmerie, ou des opérations de sécurité civile, comme par exemple un déploiement en cas de cyclone, ou pour le chikungunya, comme ça a été fait à l'époque en 2009. Il n'y a pas eu de cyclone à La Réunion depuis quasiment 2 ans, le dernier c'était Bigger 2014, donc depuis 2014 on n'est pas intervenu dans cette période-là, mais on intervient, oui, assez régulièrement. On est par exemple déployé en ce moment à l'aéroport de Saint-Denis avec l'opération Sentinelle, où le 2e RPIMA sécurise ce site en appui et en accompagnement de la police et de l'air et des frontières. On se déploie aussi, par exemple, à la synagogue de Saint-Denis, sur le même dispositif, un dispositif Sentinelle. L'opération Sentinelle complète le plan Vigipirate depuis janvier 2015 et les attentats de Paris. Une opération renforcée quelques mois plus tard suite aux attaques du 13 novembre. Dans l'Hexagone, les effectifs militaires sont éprouvés, fatigués. À La Réunion, ça se passe mieux. Le dispositif qu'on déploie actuellement n'est pas contraignant pour le régiment. C'était quand même un gros régiment. Le 2e RPIMA, c'est un régiment à quasiment 600 hommes en comptant sa réserve. Et donc, on est largement capable de tenir la charge de l'opération Sentinelle à La Réunion. Et pour le détachement de légions étrangères à Mayotte, puisqu'il y a aussi Sentinelle à Mayotte. Donc vous parlez de la synagogue à Saint-Denis, mais les églises, les mosquées, vous les surveillez pas ? On sait bien que l'île de La Réunion est un lieu multiculturel et multiculturel. Et donc la menace est peut-être légèrement moindre qu'en métropole. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de menace faite envers les églises ou envers les mosquées, ni d'ailleurs envers la synagogue. Mais c'est un site qui a été choisi, surtout vis-à-vis de ce qui s'était passé à Paris, là, sur l'hyper cachère, qui a été donc un site cultuel juif visé, et donc c'est pour ça qu'on est plus concentré sur la synagogue. S'il fallait aussi protéger une église ou même une mosquée, nous irions sans difficulté d'effectifs ou de mission. Les militaires sont eux-mêmes une cible potentielle. On l'a vu à Toulouse dans le début des années 2010, et donc il faut aussi nous se protéger. On a aussi nous renforcé bien sûr nos dispositifs de protection par la sécurité passive, c'est-à-dire des infrastructures nous permettant de mieux se protéger, mais surtout par la protection, ce qu'on appelle active, c'est-à-dire par nos hommes. Donc j'utilise plus d'hommes pour protéger soit les populations, soit mes emprises. Et l'utilisation de ces hommes, bien sûr, fait qu'on a moins d'hommes peut-être pour s'entraîner, mais plus d'hommes engagés sur des opérations. Donc c'est quand même ça l'essentiel de notre métier. SIA, c'est-à-dire être engagé en opération. Moins de sauts en parachute donc en ce moment pour le caporal Stéphane et le caporal chef Joël, eux qui participent régulièrement à ce dispositif Sentinelle. Nous, notre mission principale, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de colis abandonnés, des personnes suspectes. Comment on juge une personne suspecte ? C'est assez compliqué, mais une personne qui est un peu stressée, qui regarde tout d'elle, qui cherche les autorités où ils sont, voilà, après c'est... On ne veut pas dire que ça se voit au premier coup d'œil, mais bon, on le sent, quoi. C'est surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on a une certaine expérience par rapport aux démonstrations qu'on a déjà faites. Donc, une personne suspecte, généralement, se voit, on va dire, de loin, parce qu'on commence à avoir des prérequis par rapport à sa façon de tenir, par rapport au matériel qu'elle va transporter, par rapport à sa façon de regarder les gens ou d'être beaucoup plus discret. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ça pourra nous permettre, nous, de mettre à l'écart ou de commencer déjà à prendre position sur cette personne ou les personnes en question. On la met à l'écart, on la questionne, on lui demande pourquoi elle est là. Et puis si vraiment on voit que la personne est vraiment un peu désorientée, bon voilà, on la prend avec nous, on va voir les autorités et puis on gère ça entre nous, quoi. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas, des gens que vous avez... Pas dans mes souvenirs. Maintenant, des altercations, oui, il y en a. Mais il faut savoir que nous, en fait, on n'a pas position à arrêter les gens. On est vraiment là qu'en support. Ça, c'est le travail de la gendarmerie et la police. On n'est pas là pour faire leur travail. On est là que vraiment en support. On est là pour aider s'ils ont besoin de nous. Les patrouilles sont composées de combien de militaires ? On est en trinôme, donc 3 militaires. On tourne... C'est stratégique, ça fait pour... Voilà, c'est une triangulation. C'est stratégique qu'on puisse arriver sur l'individu rapidement et en sécurité. Et c'est de quelle heure à quelle heure, alors, une mission comme ça ? Il n'y a pas d'horaire particulière. Elles sont données une fois arrivées sur place. Et après, à partir de là, ça change tout le temps. Si on donne des horaires fixes, après, ça serait trop facile. Donc, du coup, elles sont imposées, mais elles sont données au dernier moment. Sinon, si on reste tout le temps aux mêmes heures, celui qui veut faire une attaque ou quoi, c'est facile. Comme ça, moi, on est tout le temps là. Le but du jeu aujourd'hui, c'est justement d'être efficace sans être prévisible. Les bruits que vous entendez, c'est les personnels en ligne qui sont en train d'ouvrir le costume. L'imprévisibilité, c'est bien souvent ce qui caractérise un acte terroriste. Le lieutenant-colonel François Monard, commandant du DA 181, en est bien conscient. Les risques sont avérés, quel que soit l'endroit. On a bien vu que les frappes terroristes sont aveugles et peuvent toucher n'importe quel lieu du territoire français. Est-ce qu'il y a une surveillance des aéronefs civils ? Et des très bonnes relations avec l'aviation civile nous permettent d'avoir un suivi pour avoir d'informations sur, bien sûr, les compagnies et puis sur les vols qui pourrait poser problème. C'est bien sûr difficile à contrer. L'important, c'est bien sûr une réaction immédiate. Donc, c'est d'avoir à l'esprit la nécessité de pouvoir rapidement changer de positionnement et d'avoir un armement et puis une réponse graduée possible à tout moment. Et après, on a évidemment aussi à mettre en œuvre un état d'esprit qui consiste à chaque instant à être vigilant, à s'étonner de choses qui sortent de l'ordinaire, à se préoccuper de petites choses qui pouvaient initialement simplement surprendre et qui maintenant doivent aiguiser la curiosité pour en savoir plus. Voilà, c'est simplement un changement un peu de paradigme où il ne faut pas laisser de côté des petits indicateurs qui au départ n'alertent pas et il faut sans cesse être vigilant. Quand je suis arrivée, on m'a dit de ne pas rentrer dans l'aéroport. Il y a eu une valise violette, une petite genre cabine, qui a été abandonnée. On a entendu bien au moins une heure. Et puis la dame, elle est arrivée et elle a reconnu sa valise, elle est partie avec. Ça arrive assez souvent en ce moment. Un témoignage recueilli à Gilo en juillet dernier, au lendemain de l'attentat de Nice. Depuis quelques années, une valise oubliée ou abandonnée est effectivement automatiquement considérée comme un colis suspect. C'est alors le NEDEX qui est chargé d'intervenir. Cyril est premier maître au sein de cette unité militaire spécialisée dans le déminage. On est 6 équipiers NEDEX sur l'île de la Réunion, là, et donc on tourne par binôme. D'astreinte à la semaine, 7 jours sur 7 comme ça, et on tourne donc toutes les 3 semaines en règle générale d'astreinte pour pouvoir intervenir à tout moment quand on nous appelle pour que ce soit une valise oubliée ou une valise suspecte et qui devient après peut-être piégée ou pas, quoi. Ça regroupe toutes les interventions sur les gens qui oublient leur valise ou alors qui ont trop de valises au départ et puis qui se rendent compte que qui peuvent pas partir avec tout, ils en laissent une et puis malheureusement ça bloque tout l'aéroport pour juste un oubli. Il faut faire sauter en plus la valise, c'est ça? Alors faire sauter, on fait pas sauter la valise, hein. On a des moyens quand même de reconnaissance donc qui nous permettent par moyen de radio, hein, générateur de rayons X, qui nous permettent de savoir ce qu'il y a dans la valise. Et bon, après dans certaines conditions on peut pas forcément faire la radio, donc là on va venir neutraliser la valise en essayant de l'ouvrir mais sans créer de dégâts supplémentaires, quoi. Est-ce que vous êtes déjà intervenu en dehors de l'aéroport à La Réunion ou non? Oui, il y a eu quelques interventions, dont une à l'église Mormon là, qui a eu lieu il y a maintenant 4-5 mois à peu près. Ouais. Donc là où c'était vraiment un peu plus sérieux, avec une lettre de menace sur la valise et avec une grosse enceinte. Enfin, bon, un dispositif qui était à prendre un peu plus au sérieux, mais qui s'est révélé en fin de compte être juste un canular, mais de mauvais goût. On a aussi tout ce qui est visite des sécurités aussi. Quand il y a des autorités qui viennent, ça fait partie aussi de notre travail d'aller inspecter, visiter et puis rendre les lieux sûrs pour pas qu'il y ait de problèmes lors de la visite. Est-ce que vous avez des briefings sur ça, justement, sur le risque qui peut exister à La Réunion? Ah bah nous, notre but aussi, oui, c'est de se tenir à jour justement sur tout ce qui existe et tout ce qui se passe non seulement à La Réunion mais aux alentours, parce qu'on sait que ça peut venir de l'extérieur, aussi bien de métropole que d'autres pays. Donc on se doit de se tenir à jour de tous les différents moyens qui existent. Comme par exemple le fameux TATP, un explosif largement utilisé et popularisé par les djihadistes de l'organisation État islamique. C'est un explosif facile à fabriquer, oui, on pourrait dire que tout le monde est capable de venir le fabriquer. Maintenant, il faut avoir quelques notions quand même. Et puis, on pourrait en fabriquer avec les... Oui, ouais. si on veut, oui, mais c'est pas sans risque non plus, quoi. Donc, avant de réussir à le fabriquer, il y en a plus d'un qui va se créer des dégâts déjà personnels et dans sa maison avant de réussir à déplacer ce qu'il a fabriqué et à l'utiliser en toute sécurité, quoi. C'est très sensible, très instable et ça peut être très dangereux, quoi. En tout cas, vous connaissez tous ces menaces-là, tous ces petites menaces. On connaît tout, on connaît jamais tout, bien sûr. Il y a un jour ou l'autre, on va tomber sur quelque chose qu'on connaît pas, mais par contre, on fait tout pour essayer d'être à jour, quoi. Faut être prêt, quoi. On a le chef de section de la section qui est placé plus au nord là-bas, qui a rendu compte qu'un véhicule tentait d'arriver dans son dispositif, qu'ils l'ont détruit et qu'ils ont un blessé parmi leur personnel à eux. Le général Franck Régnier, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, affiche le même état d'esprit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire effectivement que La Réunion ou Mayotte soit menacée directement par un ennemi conventionnel. Néanmoins, vous le savez, nous vivons une période de tension liée aux actions terroristes et ces actions peuvent très bien frapper effectivement La Réunion ou Mayotte. Monsieur le préfet l'a dit fréquemment, nous avons un certain nombre de personnels qui sont suivis ici sur l'île. D'ailleurs, c'est parce qu'on parlait d'une centaine de personnels. Oui, nous, on est toujours sur une centaine de personnels, effectivement, qui sont surveillés plus attentivement. Et donc, à partir de là, il est tout à fait normal que nous participions à la défense du département ou des départements avec Mayotte, puisque c'est notre mission première en tant que force de souveraineté. Il n'y a aucune raison que La Réunion soit plus épargnée que d'autres, si ce n'est l'éloignement. L'avantage que nous avons ici, de par cette position insulaire, c'est qu'il y a très peu d'armes en circulation, qu'on surveille peut-être plus facilement les individus soupçonnés, et puis et également que la population est une population... pacifiste, enfin les gens, enfin le peuple réunionnais est formidable. Donc j'aurais tendance à dire, enfin ça c'est moi qui prends cette position si vous voulez, j'aurais tendance à dire qu'on se sent peut-être plus en sécurité à La Réunion qu'en France métropolitaine aujourd'hui. Mais ne baissons pas la garde, car tout attentat prendrait une dimension colossale sur une île. Oui. C'est ce qui aujourd'hui est la crainte majeure de nos îles sœurs que sont Maurice et les Seychelles, qui vivent essentiellement du tourisme. Bien sûr que Mayotte est un département à majorité musulmane, puisque plus de 90% de la population est de confession musulmane, mais c'est un islam modéré. On ne surveille pas plus Mayotte qu'on ne surveille d'autres départements. Ce que l'on surveille, par contre, ce sont les flux qui pourraient rentrer sur Mayotte venant de l'étranger. Mais les Mahorais eux-mêmes sont des gens... modérés, on ne sent pas de radicalisme dans la population mahoraise. Des flux qui pourraient venir d'Afrique, du Moyen-Orient, c'est possible ça ou c'est... Bien sûr, vous savez, tout est possible. Dans un Kwassa, vous pouvez trouver naturellement des Comoriens, mais vous pouvez trouver des Africains qui sont passés par les Comores. Tout est possible. Des Yéménites, voilà. Donc D'où notre attention particulière sur l'immigration clandestine. Il n'y a pas d'exemple jusqu'à présent, en tout cas, d'infiltration. Il y en a peut-être, mais je vous dis, nous, on n'en rencontre pas en haute mer, en tout cas. En tant que commandant de la zone maritime des Fazoï, le capitaine de vaisseau Henri Levé surveille de près ces mouvements migratoires illégaux, concentrés essentiellement entre les Comores et Mayotte. Je dirais que le phénomène est assez stable. Le phénomène de l'immigration illégale est un phénomène qui tire sa source dans la misère des pays qui sont nos voisins. Et le différentiel de développement crée ce courant d'immigration, d'immigration par voie de mer. Le fait que dans ces pays, il n'y ait pas d'hôpitaux, par exemple. Tous ne sont pas des migrants, d'ailleurs. Certains, ne trouvant pas de soins corrects dans leur pays d'origine, viennent avec des brûlures, avec des membres cassés, avec des pathologies très particulières, se faire soigner. Donc ce sont des êtres humains qui sont souvent en grande souffrance et qu'il faut leur interdire l'immigration, hein, mais qu'il faut considérer avant tout comme des êtres humains. En 2011, l'archipel de Mayotte est devenu un département français à part entière. Qu'est-ce que cela a changé sur le plan militaire ? La réponse du général Franck Régnier. Pour nous, Mayotte n'a pas changé. Hein. En termes de volume de force, nous y consacrons le même volume. Notre élément de base navale est devenu base navale à part entière et participe à temps plein à ce qu'on appelle l'action de l'État en mer, donc la lutte contre l'immigration clandestine à travers la mise en œuvre du PC, donc du poste de commandement et de nos radars, et également à travers l'interception par deux bâtiments de la marine de ces Kwassa, aux côtés de la police de l'air et des frontières et de la gendarmerie maritime. Donc rien n'a vraiment changé, si vous voulez, les missions se poursuivent. On espère bien sûr que l'immigration clandestine se réduise, même qu'on puisse finir par en venir à bout. Cette année, il faut quand même noter qu'on a une forte diminution des interceptions de Kwassa sur le lagon. En termes de chiffres, ça donne quoi c'est... Bah, écoutez, nous sommes à peu près à moins 40% par rapport à l'an dernier. Alors, il y a plusieurs explications, probablement les décasages, mais la météo aussi qui n'a pas été très favorable à la traversée des Kwassa. Et ce qui fait que, globalement, on réduira, je pense qu'on passera en dessous de la barre des 10 000 interceptions sur le lagon. C'est sur un an, ça ? C'est sur une année. L'an dernier, nous étions au-delà de cela. Et vous le savez, on a eu l'an dernier à peu près 18 000 reconduites à la frontière. Cette année, nous serons au-delà. Ça, c'est la préfecture qui est en charge de ces reconduites. Donc, on aurait tendance à penser qu'on irait chercher des illégaux sur terre qui accepteraient de rentrer chez eux en jouant notamment. Ça, c'est pas un problème qui concerne la Réunion, ça, la clandestinité, l'immigration clandestine. Non, alors, ce qui est, il faut quand même noter qu'il y a une continuité territoriale, qu'il y a une communauté mahoraise ici à la Réunion qui s'est développée, c'est bien naturel, hein, nous sommes en France, mais hormis cette continuité territoriale, la Réunion est naturellement protégée par un océan qui est difficile. Entre Madagascar et la Réunion, on ne se déplace pas comme ça. On est loin des conditions de mer entre Madagascar et Mayotte ou bien sûr l'Union des Comores et Mayotte. Donc la Réunion est préservée à ce titre-là puisque hormis l'avion, peu de gens peuvent toucher la Réunion comme ça, comme ils le souhaitent. Donc là, vous avez l'intégralité de la demande d'évacuation qui va être effectuée. Elle peut être faite par plusieurs moyens, par route, par véhicule. Vous avez sur les écrans le suivi de la prise en charge du blessé qui est en train de se faire sur zone, en attendant que les hélicoptères arrivent. De la même manière, la Réunion est plutôt épargnée par les trafics de drogue, contrairement à nos voisins qui peuvent néanmoins bénéficier de l'expertise du commandement supérieur des Fazoï. Nous participons à cette lutte contre le narcotrafic à travers les patrouilles de nos bâtiments de la Marine nationale, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que rencontrant mes homologues de la COI, c'est un vrai sujet aux Seychelles notamment, puisque aujourd'hui il y a environ 3500 Seychellois addicts des drogues dures. ce qui est énorme pour une population de 92 000 habitants. Il suffit de faire le ratio avec la France, ça ferait quelques millions, bien sûr. C'est un vrai problème également à Maurice, puisque Maurice est un hub très important et donc une zone de transit. Quant à la Réunion, nous ne sommes pas pour l'instant menacés par cela. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais encore une fois, la Réunion est quand même bien protégée par l'océan. Et c'est justement en mer que des saisies peuvent survenir. Illustration avec le capitaine de vaisseau, Henri Levé. En mai dernier, la frégate Nivos a contrôlé et saisi à bord d'un boutre, tout à fait dans le nord de notre zone, 130 kg d'héroïne pure. 130 kg d'héroïne pure, c'est plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à la revente. Et donc nous avons détruit toute cette cargaison. Donc ça fera ça de moins qui se présentera devant nos écoles. Mais vous savez, rien n'est jamais gagné en la matière. Hein. On est peut-être épargné, mais il y a d'autres pays dans notre zone qui le sont beaucoup moins. Et puis l'héroïne qui débarque en Afrique de l'Est remonte aussi par des réseaux mafieux jusqu'en Europe. Hein. Beaucoup d'argent en jeu donc, et un impact global. Les ZEE, les zones économiques exclusives françaises dans l'océan Indien, sont également grandement convoitées, en particulier pour leurs ressources nourricières. Et en particulier la zone sud des TAF. Vous savez qu'il y a quelques années, des bâtiments de pêche en situation de pêche illicite pillaient la ressource de l'égine dans le Grand Sud. Et le fait d'avoir, avec les bateaux de la Marine nationale, mais aussi avec l'Osiris de la direction de la mer en particulier, fait pression sur ces navires illicites, en confisquant quelques-uns d'ailleurs. Hein. Vous verrez, si vous allez à la base navale, vous verrez le Malin, qui est un patrouilleur de la Marine nationale, qui est un bâtiment de pêche qui a été confisqué dans le Grand Sud parce qu'il était en pêche illicite. Donc ça, c'est une grosse partie de notre fonction, de notre mission. Mais au-delà de ça, il y a aussi la protection des ressources, des îles éparses, le fait de lutter contre la pollution. Ça, c'est une mission qui est permanente. Hein. C'est une mission qui consiste à assurer la souveraineté des îles hein, par projection et le soutien logistique de détachements qui sont sur les îles, hein. Détachements d'un gendarme et de plusieurs militaires du MRP IMA. Donc c'est régulièrement, on relève les gens, on leur apporte du matériel pour qu'ils puissent assurer leur mission. Une mission qui est aussi coordonnée avec les TAF, hein, Terre Australe et Antarctique Française, qui ont sur ces îles une mission de scientifique et de sauvegarde de l'environnement. Une volonté de protéger l'environnement qui pourrait à moyen terme être partiellement remise en cause. Le lieutenant-colonel François Monard confirme que des réserves d'hydrocarbures pourraient être découvertes dans les fonds marins des ZEE françaises. C'est d'actualité, il y a des recherches actuellement pour savoir s'il y a une réserve d'hydrocarbures, notamment de gaz, hein, au large de ces îles. Bon, pour l'instant, s'il y a de larges présomptions pour dire que l'hydrocarbure est présent, il reste après la nécessité de devoir l'exploiter, donc avec les coûts afférents. Donc pour l'instant, c'est encore à l'ordre d'étude. Mais effectivement, il y a bien un jour où il faudra faire un choix entre la sauvegarde de l'environnement et le développement de ces zones, si jamais il y a quelque chose à puiser dans les fonds. Et selon le général Franck Régnier, commandant supérieur des Fazoï, il n'y a pas que la France qui est intéressée. Toutes ces richesses réelles ou potentielles n'ont évidemment pas échappé au radar des grandes puissances étrangères, est déjà plus ou moins établi dans l'océan Indien. Vous voyez quand même les convoitises de l'Inde dans la zone, hein, puisque l'Inde est de plus en plus présente, et puis cette rivalité bien connue avec la Chine aussi, indo-chinoise. Nous marquons notre présence. Nous sommes le seul pays européen présent dans la zone sud de l'océan Indien, et j'ai coutume de le dire à mes interlocuteurs, qu'ils soient africains ou des pays de la Commission de l'océan Indien. Donc nous marquons la présence de la France, et puis nous avons aussi ce vaste océan, ce qu'on appelle le Grand Sud, hein, puisque nous avons des îles, encore une fois gérées par les TAF, mais que nous protégeons contre la pêche illégale, car il y a des ressources formidables que sont la légine, bien sûr, la langouste à une moindre échelle, et puis peut-être demain de nouvelles ressources au fond des mers avec les nodules. Enfin, il y a quand même beaucoup de pistes autour des îles Éparses. On sait également qu'il y a probablement des réserves d'hydrocarbures, du gaz principalement, à l'image de ce qui se trouve juste en face au Mozambique. Ouais, donc c'est beaucoup l'intérêt économique pour la France, hein, qui est à protéger, à sauvegarder. Oui, enfin, il y a surtout la souveraineté de la France, parce que si nous ne le faisions pas, je pense que les convoitises seraient telles que certains essaieraient de grignoter ces ressources. Le grignotage, le pillage, c'est aussi l'affaire des pirates. Selon le Bureau maritime international, la piraterie moderne connaît depuis 2015 un regain d'activité. Les Fazoï s'y intéressent par la force des choses, mais de manière indirecte, comme nous l'explique le lieutenant-colonel Monard et le capitaine de vaisseau Levé. La lutte contre la piraterie, là, c'est une mission qui est dévolue évidemment à la marine nationale. Hein. Donc là, ça sort un peu du domaine des Fazoï qui contribuent par les moyens, mais actuellement la lutte contre la piraterie c'est plutôt au nord de l'océan Indien, donc il y a une task force qui s'occupe de ça et quelquefois les moyens sont mis à disposition de cette task force au large des côtes somaliennes. Là, il vient d'avancer fumigène vert pour que l'hélicoptère puisse savoir où aller. Les bateaux qui sont ici, les frégates, hein, les deux frégates, le Floréal et le Nivose, sont en général sous contrôle opérationnel du commandant des Fazoï, des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, hein, le général Rémier. Mais assez souvent, on les détache dans le nord de l'océan Indien, sous un autre contrôle opérationnel, hein, le contrôle opérationnel de l'amiral commandant les forces dans l'océan Indien. Et là, ils sont déployés devant la côte somalienne en particulier, et ils font partie des task force, comme on dit, hein, des groupes de bâtiments qui luttent contre la piraterie. Vous avez les deux hélicoptères qui arrivent en fond de tableau. Le fonctionnement est toujours le même. Vous avez un hélicoptère qui est en surveillance et en appui, c'est-à-dire qu'il va rester en stationnaire où il tourne autour de la zone pour empêcher ou prévenir d'une arrivée ennemie. Les pirates ciblent principalement les cargaisons des petits pétroliers et des petits méthaniers. Ils lorgnent aussi, selon le général Franck Régnier, sur le poisson. Nous avions et nous avons encore des équipes embarquées de militaires à bord des thoniers, des armateurs qui avaient fait appel à nous. Cette mission devrait prendre fin à la fin de l'année puisque la France a autorisé l'emploi d'équipes privées. Donc les armateurs ont, semble-t-il, beaucoup plus de souplesse avec des équipes privées. Et puis nous, ça nous permet de nous recentrer sur nos vraies missions, même si accompagner les thoniers pendant les campagnes de pêche était une expérience formidable pour nos hommes. Autres expériences qui réjouissent le commandant supérieur des Fazoï et ses personnels, les missions de coopération régionale. Elles leur permettent de voyager et d'échanger avec leurs homologues étrangers. Alors nous avons une forte coopération régionale qui en fait suit deux cercles. Un premier cercle qui concerne essentiellement les pays de la Commission de l'Océan Indien, donc Maurice et Seychelles, Madagascar, l'Union des Comores. Et ensuite un deuxième cercle qui couvre l'Afrique australe, allant de la Tanzanie jusqu'à l'Afrique du Sud, et avec des partenaires de différents pieds. Nous avons une forte coopération donc avec Madagascar, qui est quand même le grand pays de la COI, également avec les autres pays bien sûr de la COI, et sur le continent une coopération assez dense avec le Botswana, qui depuis des années s'est rapproché de nous et nous demande de l'aide pour la formation. Nous venons d'effectuer un stage de remise à niveau de leurs chuteurs opérationnels, de façon à ce qu'ils puissent participer à la fête nationale qui aura lieu à la fin du mois. En 2015, le deuxième RPIMA de Pierrefonds a mené pas moins de 17 actions de formation au profit des armées étrangères amies de la zone sud de l'océan Indien. C'est beaucoup moins intense du côté du détachement aérien 181 et de son commandant François Monard. Alors la coopération régionale avec les armées de l'air est assez limitée parce que les armées de l'air ne sont pas en grande forme dans la zone. L'armée de l'air sud-africaine, qui est une armée de l'air conséquente, a quelques difficultés et on n'a pas de relation avec elle. L'armée de l'air qui répond souvent présent, c'est l'armée de l'air botswanaise, avec lesquels on a quelques échanges, avec leurs avions de transport qui viennent régulièrement et chez qui on va. Ensuite, Madagascar, avec qui on a quelques éléments de coopération. L'armée de l'air malgache, certes, si elle n'a pas de moyens dédiés, elle est très intéressée sur les aspects air, hein, pour notamment la sauvegarde de ses ressources naturelles et puis la lutte contre les trafiquants de bétail. Donc on a des relations, on échange quelques savoir-faire en termes tactiques. La tactique, justement, elle aura été parfaitement maîtrisée du début à la fin de cet exercice Bizerte 2016. Là, vous avez toujours l'hélicoptère en surveillance qui patrouille sur la zone pendant que le second hélicoptère se prépare à l'évacuation du blessé. La section sur place vient de s'apercevoir que la zone était trop marécageuse pour pouvoir faire poser l'hélicoptère. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de descendre le médecin via un treuil. Les opérations se sont toutes très bien déroulées, pas de blessés à déplorer, bilan positif donc pour les FASOI. Elles ont pu démontrer aux autorités civiles qu'elles disposent de toutes les capacités nécessaires pour intervenir à tout moment et en tout lieu de la zone de responsabilité française dans la zone sud de l'océan Indien. Toutes les capacités, ou presque, en tant que commandant supérieur des FASOI, le général Franck Régnier prône l'excellence et reste donc très exigeant. Vous savez, un chef a coutume de dire que c'est jamais suffisant. Nous avons un contrat opérationnel qui nous est fixé par le chef d'état-major des armées. Aujourd'hui, nous parvenons à le mettre en œuvre puisque les moyens restent dimensionnés. Nous sommes à peu près 2000 hein, sur La Réunion et Mayotte globalement. Nous avons des moyens dans les trois composantes terre, marine et air. Et nous recevrons dès l'année prochaine un nouveau bâtiment de la marine qui viendra remplacer les deux bâtiments que nous avons perdus, l'Albatros et le Batral Champlain, la Grandière récemment. Donc, si vous voulez, il faut absolument qu'on compense ces pertes capacitaires. Et est-ce que ça va se faire bientôt? Vous avez des... Donc, ce qu'on appelle le bateau multimission, donc le Champlain qui va arriver, arrivera au mois de mars 2017. Et il y a eu un accord qui est très novateur entre les TAF et la Défense, donc un accord interministériel pour la mise en œuvre de ce qu'on appelle le patrouilleur polaire, l'Astrolabe, qui lui rejoindra la Réunion début 2018 et qui sera donc armé par la Marine nationale. De quoi affirmer encore un peu plus la souveraineté de la France à La Réunion, à Mayotte, dans le canal du Mozambique et dans la zone la plus australe de l'océan Indien. C'était Dans les coulisses des FASOI, un magazine de la rédaction présenté aujourd'hui par Stéphane Henny-Laurac. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. 12h56 sur la première, aujourd'hui dans la chronique écho, Tessa Grohmann s'intéresse au prix de la cocaïne. La chronique écho, Tessa Grohmann. Dans le monde de l'économie parallèle, la cocaïne est un produit dont l'écart entre le prix de gros et le prix de vente au détail est l'un des plus importants du marché de la drogue. Vincent Le Béguec est le patron de l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants. Les trafiquants peuvent acquérir la cocaïne en prix de gros à environ 1000 euros le kilo en Amérique du Sud. Lorsque ce kilo arrive dans les Antilles, le prix d'achat a déjà augmenté, se situe à environ entre 6000 et 8000 euros le kilogramme. Arrivé en France, le même kilogramme sera acheté par les trafiquants en métropole à environ 35 000 euros le kilo. Même la résine de cannabis, la bascule n'est pas aussi importante puisque les trafiquants peuvent acquérir le kilogramme à un peu moins de 1 000 euros au Maroc, mais ce kilogramme sera vendu entre 2 500 et 3 000 euros au niveau de la France métropolitaine. Dans l'Hexagone, la cocaïne est vendue 35 000 euros le kilo sous forme de poudre pure. Une fois coupée, elle sera revendue 65 euros le gramme, ce qui fait 260 000 bénéfices théoriques par kilo. Ouais. Beaucoup d'intermédiaires se sucrent au passage, car la route est longue du Pérou, de la Bolivie et de la Colombie, d'où est produite la cocaïne, jusqu'à l'Europe. La route vers la France passe par la Guyane ou les Antilles. La drogue est transportée par bateau, dissimulée dans des containers ou par des passagers en avion qui ingèrent ou cachent la drogue dans leurs valises. Et le prix du passage par avion varie du simple au double. Vincent Le Béguec de l'Octrice. Une mule est rémunérée à environ entre 5 000 et 10 000 euros par passage. Généralement, les incorporés en moyenne, les mules transportent environ 600 grammes de cocaïne. Elles sont rémunérées entre 5 et 10 000 euros par passage. Les mules ne sont pas les intermédiaires les mieux payés, même si les tarifs pratiqués pour les autres maillons de la chaîne ne sont pas vraiment connus des services de police. Car la lutte contre le trafic de cocaïne coûte cher aussi à l'État. 60 postes de policiers spécialisés dans les stupes ont été progressivement installés aux Antilles et en Guyane depuis 2004. En 2015, 10 tonnes de cocaïne ont été saisies entre l'Outre-mer et l'Hexagone, ce qui représente une perte de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les trafiquants. Retrouvez la chronique écho en podcast sur lapremière.fr. Sur Réunion Première, Another Day. Il est 13h, voici le journal de France Info. Et l'info, c'est avec Virginie Lebrun. Bonjour Virginie. Bonjour. À la une de ce journal, les adieux d'Israël à Shimon Peres. Les funérailles de l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix ont eu lieu ce matin. Des obsèques entourées d'un dispositif sécuritaire impressionnant. Des dizaines de dirigeants du monde entier sont à Jérusalem aujourd'hui. La politique, 8 Français sur 10 estiment que François Hollande doit renoncer à se présenter à la prochaine présidentielle. C'est ce que dit aujourd'hui un sondage Odoxa pour France Info. Les personnes interrogées déclarent ne plus croire en une possible inversion de la courbe du chômage. À la fin de ce journal, nous irons au Mondial de l'Auto. Le salon ouvrira ses portes au grand public demain à Paris. Un salon boudé cette année par une dizaine de constructeurs. Pourquoi ? Solène Lehen nous en dira plus dans quelques minutes. France Info. Un grand homme pour Israël, un grand homme pour le monde. C'est ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué tout à l'heure la mémoire de Shimon Peres, dont les obsèques ont lieu ce matin à Jérusalem. Jérôme Jadot, vous êtes sur place pour France Info. Où en est-on dans cette cérémonie ? Les chefs de délégation et les proches ont quitté le chapiteau sous lequel les hommages ont été rendus pour se rendre dans une autre partie du cimetière, la partie où Shimon Peres sera enterré. Les autres invités, les députés, les personnalités.